Lancement d'un livre il y a mercredi sur la biographie de Chantal Macabé. Tout le monde connaît Chantal Macabé au Québec. C'est la voix de RDS. C'est le titre du livre, Désavantages numériques. Un titre que j'aime bien en passant et on l'a en bout de ligne. On parle avec Chantal Macabé. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, t'es d'accord avec moi que Désavantages numériques, c'est un beau titre pour. Parce que. Ça montre, j'imagine, je l'ai compris comme étant une femme, que c'était pas facile, puis vous étiez comme en désavantage numérique. C'est tout ça que ça veut dire? Oui, c'est exactement ça. C'est sûr que les débuts ont été un peu difficiles et c'est surtout le fait qu'on est encore en minorité, les femmes journalistes sportives. Il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est sûr. Moi, c'est le titre qui m'est venu en tête quand on m'a demandé est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu aimerais dans ton titre et tout ça. Puis je dis, ben, moi, je me suis toujours sentie en désavantage numérique avec un clin d'œil et c'est de là que ça part. Est-ce que pourquoi avoir fait une biographie sur Chantal Macabé? Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter? Parce que c'est pas tout le monde qui veut se faire une biographie. Est-ce que vous avez hésité? Oui, j'ai hésité. C'est Guillaume Lefrançois, le journaliste sportif de la presse, avec qui je travaille là, sur le beat du Canadien. Il est venu me voir, ça fait à peu près 2 ans, puis il dit, Chantal, j'aimerais ça, faire une biographie sur toi. Puis je dis, Guillaume, je sais pas si ça va intéresser beaucoup les gens. Il me semble que j'ai pas grand-chose à raconter. Puis là, il dit, arrête, t'es toujours en train de nous raconter des anecdotes, plein de choses qui se sont arrivées. Donc, il dit, je pense que ça pourrait être le fun. Fait que j'écoute, on va se rencontrer, puis on va jaser. Puis si au bout de 2 heures, j'ai plus rien à dire, ben on le fera pas. Fait que là, on s'est rencontrés, on s'est mis à jaser, puis j'ai jamais arrêté de parler. Fait que là, okay, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait raconter. Puis c'est ça. Puis je suis contente, je suis fière du livre parce que c'est sûr que c'est ma carrière, mais c'est beaucoup aussi les débuts de RDS. Ben oui, c'est ça. On va en parler justement de RDS dans quelques minutes. Mais est-ce que le métier de journaliste sportif pour les femmes a évolué? Je veux dire, est plus accepté. Aux États-Unis, on entend beaucoup. Il y en a beaucoup sur les lignes de côté au football. On en voit au baseball également. Même au baseball, on est rendu avec une analyste à ESPN, Jessica Mendoza. Mais est-ce que vous avez senti au cours des dernières années que là, ça a évolué, puis c'est un peu moins macho? Ah oui, absolument, absolument. C'est très, très bien accepté. Les femmes font un travail extraordinaire. Bon, il y a Elisabeth Rancourt à TVA Sport, Emna qui était athlétique, qui travaillait pour le site de la Ligue nationale de hockey. Il y en a beaucoup de femmes qui travaillent pour le site de la Ligue nationale aussi. Diane Sauvé à Radio-Canada, il y en a partout maintenant. Jessica qui est à la radio anglophone. Il y en a des femmes, elles sont bonnes, elles sont compétentes et elles sont très bien acceptées par les gens d'abord, par les amateurs de sport et par les athlètes aussi. Donc ça, c'est vraiment là, ça fait quand même 35-40 ans là, que les femmes sont dans le milieu et il n'y a plus de problème maintenant à ce niveau-là. OK. Si on parlait maintenant mais au début d'RDS, c'était vraiment quelque chose qui était. Écoute, moi je me rappelle de Daniel Rainville qui était là au début des années milieu des années 80, début des années 90 également. Elle a délaissé sa carrière, elle a fondé une famille. Mais c'était pas facile parce que vous avez succédé peut-être à Daniel Rainville aussi à l'époque, là, du côté des femmes. Oui, exactement. Donc moi je suis arrivée, j'ai commencé en 83-84 là avec CKSH à Sherbrooke, j'avais une petite chronique de hockey junior. Ensuite j'étais à la presse canadienne, au réseau NPR, Radio-Canada à Ottawa. TVA Québec, TVA Montréal, et ensuite je suis arrivée à RDS. Donc, c'est ça, c'est tant mieux. Je veux dire, il y avait Marie-Josée Turcotte Ben aussi oui, qui a c'est vrai. commencé. On a tous commencé là dans les années 80. Claudine Louville, faut pas oublier non plus Claudine Louville qui était à RDS, qui fait un boulot absolument exceptionnel. Claudine était là, elle aussi, au début des années 80. Donc, il y en avait quand même. Là, moi, je me rappelle Liliane Lacroix, qui était, elle, dans les années 70. Elle l'écrivait pour la presse à la boxe. Et moi, ça m'avait frappé. Je me suis dit, wow, OK, moi aussi, je veux faire ça. Et c'était une de mes idoles, Liliane Lacroix. Donc, quand même, Marcel Saint-Cyr aussi, si on retourne là. Donc, il y a quand même eu des femmes qui ont fait leur bout de chemin et qui ont marqué là, l'histoire du journalisme sportif. OK. RDS au début. c'était un défi de taille. C'était en ondes le 1er septembre 1989. C'était vraiment un défi. Parlez-moi de ce défi-là. C'était extraordinaire, c'était le fun, c'était gros. J'avais 24 ans, on m'avait offert d'ouvrir la station. Et c'est M. Guy Desormeaux qui était venu me chercher, j'étais à TVA Québec à ce moment-là. Et il m'avait dit, moi je veux faire un statement, je veux qu'on ouvre RDS avec une femme. Il dit, on est rendu là, donc j'aimerais que tu sois le premier visage de RDS. Et donc j'ai fait, il y a eu l'hymne national et je suis entrée en onde avec Serge Longchamp pour l'animation du bulletin Sport 30. Puis quand je suis arrivée à RDS, un mois avant que la station ouvre, je suis arrivée dans les locaux de RDS et les fils pendaient partout, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas d'équipement un mois avant d'entrer en onde. Donc mon bureau c'était une boîte de carton. Et mais là, on s'est retrouvé un groupe de jeunes, des tripeux de sport. On savait que on avait un privilège extraordinaire, donc d'ouvrir une station de télévision, c'est quelque chose. Et on a travaillé beaucoup, on a travaillé, mon Dieu, c'était des 16, 17, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. On couvrait tout ce qu'on pouvait couvrir parce qu'on n'avait pas de banque d'archives, donc il fallait travailler très fort. Mais c'était une aventure exceptionnelle, c'était vraiment, on a eu tellement de plaisir, là, c'est vraiment un fait marquant. Quand TVA Sport a ouvert en 2011, ils sont venus chercher quand même plusieurs gros noms d'RDS, les Renaud Lavoie, les Denis Cazavant, les Félix Séguin. Est-ce que vous avez pensé quitter RDS à ce moment-là? Ben, j'avais reçu une offre de TVA Sport et moi, je respecte beaucoup les gens de TVA Sport. D'abord, ce sont tous mes amis, ceux que vous avez nommés. Puis, il faut ajouter Louis-Philippe Neveu, qui était mon producteur à RDS, qui est un très, très bon ami à moi, qui est rendu à TVA Sport. Donc, c'était tentant parce que, les Renaud Lavoie et compagnie, je les admire et je les aime beaucoup. Ce sont mes amis. Mais, en bout de ligne, RDS, c'est chez moi. C'est ma famille, c'est mon bébé, comme je me plais à le dire. Je suis là depuis les tout débuts. Je me vois difficilement quitter RDS. En tout cas, mon cœur serait absolument déchiré si je devais le faire. Tu veux pas quitter la maison, puis moi, je suis bien à la maison, donc je reste là, puis je suis contente d'être encore là après toutes ces années-là. J'ai des questions des auditeurs. J'ai demandé, parce que je savais que cette semaine que j'allais vous avoir en entrevue, puis j'ai quelques questions des auditeurs, entre autres. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui n'ont pas nécessairement de questions, qui vous félicitent pour votre carrière. Il vous aime beaucoup puis il espère que vous allez être là encore longtemps. C'est surtout ça. Sauf que j'en ai quand même quelques-unes. Okay? Entre autres, elle vient de Simon Tremblay. Puis là, je vais sortir du sport un peu. La politique. C'est en mode aujourd'hui d'avoir 50-50, un conseil des ministres, 50% hommes, 50% femmes. C'est la même chose en musique également. Comment trouvez-vous ça? Parce que vous avez percé, pas parce que vous étiez une femme, parce que vous étiez bonne. Que si j'aurais, ce serait une femme qui serait au conseil, je suis au conseil des ministres parce que je suis une femme, ça m'insulterait, moi. Comment vous voyez ça? Je connais plus ou moins comment ça fonctionne en politique, là, mais parce que dans le milieu du sport, tu peux pas faire ça dans le sens où c'est une bébite particulière, le sport. Il faut que tu connaisses les stats, il faut que tu connaisses les joueurs, il faut que tu connaisses les règlements. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et il faut que tu connaisses tous les sports. Donc, tu dois avoir une compétence certaine pour pouvoir interviewer, analyser et verbaliser. Et donc, parler aux gens. Parce que si tu parles, je sais pas, d'un combat de boxe et tu fais une tribune téléphonique avec des gens qui appellent, qui sont passionnés de boxe, si tu n'as aucune idée de quoi tu parles, tu peux pas faire ton travail. Donc, au niveau... tu sais, c'est pas juste des lois à prendre et tout ça, et avoir un bon jugement, parce qu'en politique, ça te prend un excellent jugement, tu prends une connaissance des lois. Mais dans le sport, je trouve que c'est encore plus spécialisé, je dirais. Okay. Et à ce moment-là, dire, OK, on va chercher des femmes, même si elles ne connaissent pas le sport, juste pour avoir des femmes, ça sera pas gagnant, ça serait même catastrophique, autant pour la femme que pour les amateurs. Je veux dire, ça serait pas juste, là, ni pour la station. D'ailleurs. Mais dans le milieu, pareil, un milieu qu'on favorise, exemple, le conseil des ministres, qui est femme, on veut avoir des femmes, vous trouvez ça pas très winner? Faut que les compétences priment avant tout. Ben, ça va être dans toutes sortes de domaines. Puis tant mieux si on peut avoir autant de femmes que d'hommes. Et ça, c'est parfait. Je veux dire, dans le sens où c'est le monde idéal, et tant mieux. Mais je pense, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion, les compétences doivent passer avant tout. Ben oui, c'est ça, sûr. C'est évident. OK. Alexandre Gauthier lui demande, il dit, là, c'est un petit peu pointilleux, le fait que vous êtes belle, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière? Oh, aidé! D'abord, merci du compliment. Oui, mais... Non, mais on dit tout le temps que la beauté apporte pas à dîner, mais moi, je pense qu'elle apporte à souper. Ça, c'est une opinion bien personnelle, là. Mais vous êtes très jolie, puis ça, je vous dis ça un compliment. Ça a dû vous aider à quelque part aussi, là. Ben, je sais pas dans quel sens, mais parce que je fais de la télévision, peut-être au niveau de la télévision, mais pas dans le métier proprement dit. Donc, j'ai pas eu d'entrevue pour ça. J'ai pas pas à ce niveau-là. Là, je dirais peut-être pour l'approche auprès du public, puis le fait que bon, je fais de la télé, mais je penserais pas là. C'est une question difficile à répondre. Ok. Et la dernière question, puis après ça, on va passer. Je vais vous remercier. Il y en a un qui demande à quand un show 100% femmes animé par des femmes. Ah, ça, c'est intéressant. Ben, faudrait faire la suggestion à nos patrons. OK. C'est intéressant. Puis, il y en a des jeunes femmes. Je pense à Justine Saint-Martin qui fait un duo extraordinaire chez nous. Il y en a plusieurs autres, là. Il y a Claudine Duville, Hélène Pelletier, qu'on est là depuis longtemps. Ça pourrait être très, très intéressant. Faudrait faire la suggestion. Okay. Ben, Madame Bacabé, c'est en vente partout. C'est en vente ici à la librairie centrale de Dolbeau-Mistassini, à la librairie Myrtil. Également pour les gens, parce qu'on est sur Internet, les gens qui nous capent un peu partout, les Renaud Bré. Ensuite de ça, il y a les Costco, j'imagine aussi. Puis tout ça. Ouais, probablement. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est très gentil à vous. Ben, merci beaucoup. Voilà. Donc, Chantal Maccabée qui a lancé sa biographie Des avantages numériques.